Tout le monde va bien? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, un Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver ici au Millennium de l'île d'Avo pour le Blues Café en live et en public. Ouais. Avec ce soir un groupe qui est déjà en place sur la scène du Blues Café, Francis Atman Session. Tu l'as dit, Atman Session, ils sont 5 sur la scène du Blues Café. Nasser Bendanou à la guitare et au chant. Marco Ballon à l'harmonica. Oui, c'est lui, il vient de Marseille, lui. Mathieu Tommy à la contrebasse. Alexis Voisin à la batterie. Et Florian Taboulot à la guitare rythmique, c'est l'homme au chapeau. Mesdames et messieurs, Atman Session. With a bad whiskey and a bad woman, whiskey and a woman, almost wrecked my life. Whiskey and women, almost wrecked my life. I had money one time, lost with a bad whiskey and a bad woman. I had money one time. Lost with a bad whiskey and a bad woman. With a bad whiskey and a bad woman, I had money one time. Lost with a bad whiskey and a bad woman. Bad days and bad nights. Bad leather baby and bad darling. Bad dogs and black cats. Almost wrecked my life. We'll be right back. ce soir, le Blues Café Live. Ça va, toi? Nom de Dieu, quoi. Moi, je sais qu'on enregistre une émission, mais tu peux t'exprimer, tu peux gueuler, tu peux faire tout ce que tu veux. Sauf quand Cédric et Francis parlent, bon, quand même. On est très heureux d'être là, ben, pour faire ce qu'on sait faire. Ça. Lost with a bad whiskey and bad women. I heard the money one time, you can't believe it. Lost with a bad whiskey and bad women. Bad days and bad nights. Bad gambling and bad cards. Bad leather dog and bad cats. Black cat wrecked my life. Bad gin and bad wine. Bad bourbon and bad beer. Bad car, bad gambling, almost wrecked my life. Man Session ce soir dans le Blues Café Live. Merci beaucoup. Okay, let's go. Pour un morceau qui est sur notre dernier album qui s'appelle I Was Born Into the Blues. Pour ceux qui ne parlent pas italien, ça veut dire je suis né dans le blues. J'ai eu la chance, cette chanson a été écrite par un pianiste américain que j'ai accompagné pendant des années, Stephen McCallum. I Was Born Into the Blues. I won! Born into the blues, the blues won't let me be. I was born into the blues, the blues won't let me be. Just when I started getting happy, the blues is creeping up on me. I heard the blues from my daddy, his walk was hard, you know it's true. I heard the blues from my daddy, as work was hard, you know it's true. When you try to raise your family, the blues is keeping better of you. My brother got the blues well before his time was due. My brother got the blues when long before his time was due. I got the blues, it's on the blood. I guess my child don't get in too. Let's go. To my baby, I come home late and drink till three. I got the blues to my baby, I come home late and drink till three. But she didn't take it easy, she gave the blues right back to me. Help me guys. I was born into the blues. I was born into the blues. I was born into the blues. I was born into the blues. And if you hang around and listen, I'm gonna give the blues to you. Yeah, Marcus, give some blues. Yeah, man. I'm gonna give the blues to you one more time, yeah. I was born into the blues. I was born into the blues. I was born into the blues. I was born into the blues. And if you hang around and listen, I'm gonna give the blues to you. Atman Session est ce soir notre invité. Ils sont sur la scène du Blues Café Live. Bonsoir les gars. Nasser, en fait, c'est toi qui fait porter un peu le nom du groupe, puisque c'est ton surnom, Atman. Sais pas d'où ça vient, parce que apparemment t'as pas de chapeau, mais t'es un homme, donc je sais pas s'il y a... Non, d'habitude je porte toujours un chapeau. Je m'appelle Nasser, je porte toujours le chapeau. Et depuis les dernières élections, ça m'énerve. J'ai envie d'arrêter de porter le chapeau quand tu t'appelles Nasser. D'accord. Une anecdote. Bon, en tout cas, tu as une très très longue expérience musicale et très diverse en plus. Hein, ouais. Parce que de mémoire, je crois que tu l'as dit tout à l'heure sur scène, tu as joué, tu as accompagné pas mal de temps un bluesman, enfin plus qu'un bluesman d'ailleurs, hein, américain. Stephen McCallum, ouais. Mais tu as joué aussi avec un groupe, alors Maino Meno, je ne connais absolument pas, ça n'a absolument rien à voir avec le blues apparemment, non, c'est encore autre chose. Si, c'est les anciennes Cacophonic Tribu, c'est une musique un peu jeune, c'est musique africaine, et moi c'est quand même mes racines, et donc du coup j'arrivais en Bourgogne de Marseille, et là ils cherchaient un mec qui connaissait le ternaire. Un mot un peu bizarre comme ça. Et dans le blues, il y a toujours ce truc ternaire qui est comme dans la musique africaine. Donc ils ont dit, tiens, on va prendre ce mec-là. Donc j'ai traîné un peu avec eux. Donc moi, j'avais déjà des racines africaines. Tu vois le truc en étant né à Marseille, exactement au Bagne. Pas en Guyane, oui, au Bagne. Oui, oui. Et donc du coup, ben, forcément, tu vois, le lien était fait. Mais c'était principalement de la musique africaine. Mais le sud de Marseille, alors. Eh ben oui, forcément. Alors j'ai lu dans la petite bio une phrase qui m'a bien plu, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi dans le Blues Café, que l'objectif de ce groupe, c'est d'utiliser le blues comme antidote à la morosité. Et c'est bien de le dire, parce que souvent les gens associent le blues à une musique triste. Et il y a une phrase de Coco Taylor que tu aimes bien, qui s'appelle « Mes blues ne cherchent pas à rendre des gens tristes, ma musique cherche à les secouer, à leur communiquer de l'énergie, à les faire vibrer au rythme de ce que je chante. » Bien sûr, c'est ça. Ben, comme tu dis, c'est très juste et... Il y a un petit peu un côté intellectuel, même dans le jazz, qui est la même famille, les musiques noires américaines, afro-américaines, il y a ce côté qui est devenu un peu sérieux, presque académique. Mm-hmm. Et c'est ce que vous essayez de faire, juste ce que tu disais. Et moi, ce que j'essaie de faire depuis très longtemps, c'est de dire non, le blues et même le jazz et tout, c'est un truc où on se retrouve tous ensemble et on célèbre. Alors, dans le gospel, on célèbre Dieu. Qui c'est bah, tu le choisis, celui qui t'arrange. Le mien, c'est Jean-Pierre Papin, t'imagines. Et donc, tout le monde célèbre, donc tu célèbres ce que tu veux, l'alcool, les femmes et tout, c'est plutôt le sujet du blues. Mais c'est ça, c'est un peu la libération et un petit peu qui nous vient des chants d'esclaves et tout. Et le blues, c'est pas du tout je suis à genoux et tout. Au contraire, c'est l'esclave qui se libère. C'est exactement ça. C'est un cri d'espoir et c'est la joie et le partage. En tout cas, ça se ressent bien sur ce nouvel album. Il sort le 18 avril, on a eu l'occasion de l'écouter, Dog and Wolf, avec pas mal de compos et des reprises. Et notamment, j'ai beaucoup aimé cette reprise de It Hurts Me Too de Tampared, que vous faites d'une façon très festive, justement. C'est enregistré au Monte Cinto, à La Ciotat, dans un club, on a fait ça en live. C'est enregistré où? Tu peux live, nous redire Monte Cinto à La Ciotat, chez notre ami corse Jackie de Kerki. Il va me détester parce que j'ai dit son nom, tu sais comme ils sont. Et donc, j'espère et voilà, qu'il n'y aura pas de représailles. Nous avons ouvert son club avec une acoustique exceptionnelle. On n'était que Mathieu, le contrebassiste, et moi-même au banjoline, un petit instrument assez bizarre. Et donc l'instrument, ça ressemble à une mandoline, le plus aigu et le plus grave. On a décidé de faire ça, et après on tape dans les mains, on met des voix, et ça fait ce truc-là. Mais c'est peut-être l'ambiance de la... du Figatelli de la Pietra, qu'on fait ce côté guilleré et gay, comme nos amis corses savent le faire. Mais tu parlais tout à l'heure de tes racines, tu n'as pas eu envie aussi de les mélanger, d'en faire une sauce épicée avec ton blues? Justement, on va vous proposer à la fin un morceau, une composition, où je chante justement en arabe. En fait, je faisais du blues africain, et c'est Mathieu, très justement, il me dit non, c'est exactement ce que font les Gnawa, c'est du 6-8, ce qu'on retrouve dans le blues et tout. Il m'a dit non, en fait, c'est l'expression de tes ancêtres et tout. Et donc du coup, bah, alors j'ai dit ok, donc je vais arrêter de subir, je vais chanter en arabe. Donc c'est le dernier morceau qu'on fera ce soir, et c'est justement, bah, voilà, c'est le mix, et c'est pour vous laisser ce goût. Peut-être que demain on mélangera justement un peu la sauce blanche, le blues, les oignons épicé, et le rock'n'roll épicé. On va rester là-dessus, on va écouter un titre, une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle A Contra Blues, qui est un groupe espagnol. On vous retrouvera tout à l'heure à Atman Session, bien entendu, vous êtes pas loin. Et ce groupe A Contra Blues sera présent lors de notre blues party qui aura lieu le 6 juin. Oui, c'est un groupe redoutable avec un chanteur à la voix de ténor. D'ailleurs, il a un coffre gigantesque. C'est aussi un groupe qui a gagné le Challenge européen l'année dernière. Donc c'est pas rien quand on sait que le challenge européen réunit environ 25 à 30 groupes de pays européens différents. C'est comme l'Eurovision, mais en blues en fait. Ah voilà, exactement, mais c'est pas forcément toujours très évident. Ce groupe vient de Barcelone, non plus. Et c'est un groupe donc qui vient de Barcelone, je le répète, mais c'est un groupe très festif aussi. On parlait de blues festif. À Contra Blues, c'est du blues festif. Toute la programmation sur le www.bluesactu.com de ce rendez-vous du 6 juin ici dans les jardins du Millennium. Some battles. à Contra Blues à l'instant, et vous les retrouverez sur la scène de la Blues Party le 6 juin ici dans les jardins du Millennium, et on vous invite à venir nombreux et nombreuses. C'est la grande fête du blues. Tout de suite sur la scène du Blues Café Live, il y a Atman Session. Guitar strung like barbed wire, rip on the string, make your fingers on a fire, standing here in a Morris suit, like a steam roll rolling. And what do we call it? The blues. When you pass on the crossroad, you better have a run, 'cause the devil got a level on everything we done. Borrow your money for paying you do, like a bulldog on a corner when they call it the blue. We say that is a country man. We say that is men with a flesh and blood. We say that is a country man. But he wore the rose out of the Mississippi moon. Listen here, children, listen here. Monica, Monsieur Marco Ballon, s'il vous plaît. Don't care how long you go, how long you stayed. But a good mistreat may bring you home someday. Don't care how long you go, how long you stayed. the good mistreat me, bring you home someday. Tell everybody in the neighborhood, you know, fellows, this woman for me and you not good. Tell everybody in the neighborhood, you know that woman, you know that woman me and you not good. But someday, babe, someday, babe, you're gonna worry my mind anymore. Cause you know I'm just a country man. I'm met with a flesh and blood. Just a country man, muddy water rolls out of the mazy. Muddy water rolls, muddy water rolls out of the mazy. Muddy water rolls, tell me muddy water, oh, muddy water rolls out of the mazy. Mississippi, oh, Mississippi, man. Atman Session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous jouer un autre morceau dans notre album. C'est un, tu vois, comme disait tout à l'heure Francis, alors est-ce que tu as fait des incursions un petit peu en dehors du blues? Là, c'est... c'est justement le cas. On a composé un morceau avec un ami belge, Grégory de Fourny, qui a écrit plusieurs livres et un grand poète, qui s'appelle Feel Like a Gypsy. Je me sens un peu comme un gitan. C'était l'année dernière ou je sais pas quand, là. C'est les Roms, là. C'était pas trop cool, là. Il fallait les renvoyer absolument chez eux parce qu'ils n'avaient pas nos carreaux de voiture assez proprement. Donc, bah, et puis ils n'étaient pas assez bien habillés, d'ailleurs. Et donc, et nous, les bluesmen, on est un peu comme les gitans, quoi. On a un peu cette mauvaise réputation, mais bon. Bon, mais c'est cool dans les mariages d'avoir de la musique. Voilà. Feel like a gypsy. Allez, mon démon. City walls, I met a fortune teller. She told me you're the seventh son. I crossed one eye cut, coaching in a moonlight shot. Fifth king stopped above the hill, saw me and told me, come on now, come on now, oh boy child, come on now, oh boy child. I feel like a gypsy, will never be long. My hands shining brighter than never before. I feel like a gypsy, will never be long. But I'm a blues man. Yeah, I'm a blues man. I'm standing before the fire, men running above my side, children running into the night with all of our sound. Son of a gun, dark hair in a windy dress, a big black woman dancing on the muddy water. Come on, baby, I'll blow our horn. Come on, baby, I'll blow our horn. Somewhere low, yeah, somewhere low. I feel like a gypsy when that belongs. My hands sounding brighter than ever before. I feel like a gypsy, we'll never be alone. But I'm a blues man. I'm a blues man like B.B. King. I'm a blues man like Robert Johnson. I'm a blues man like Muddy Water. I'm a blues man like Albert King. I'm a blues man like Only Wolf. I'm a blues man, but I'm a good man. We'll never be alone. My hands shining brighter than ever before. I feel like a gypsy. We'll never be alone. Monsieur Florian Taboulo à la guitare, s'il vous plaît. Atman Session, à l'instant sur la scène du Blues Café live. On va demander à Marco Ballan, l'harmoniciste, et Nasser de revenir tous les deux cette fois-ci. Voilà, et Nasser qui nous rejoint avec, à l'instant, un titre, on le disait, avec Francis, très Tom Waits. Tom Waits, bien sûr, à fond. À fond, c'est un peu ma recherche dans le blues, c'est ça, c'est comme fait lui d'aller chercher dans différentes influences pour ramener quand même toujours les choses à l'essentiel, avec toujours, pour lui, beaucoup d'intelligence et beaucoup de sensibilité. J'espère que pour moi, Nasser Waits, Nasser attend. Et beaucoup d'ouverture hein, aussi. Bien sûr. Alors, tu as d'excellents musiciens autour de toi et tu nous en diras un mot tout à l'heure, mais on a Marco Ballan là, avec nous. Marco qui est harmoniciste et qui, toi aussi, tu as quand même une belle carrière de musicien. Tu amènes ton propre groupe avec n'importe qui, puisque si j'ai bien compris, tu prépares un album avec des gens comme Stéphane Avellaneda. Avellaneda, je veux dire, et batteur d'Anna Popovitch. Oui. Ronnie Junker, je le connais pas. Et Benjamin Constant, alors on connaît son nom, c'est un clavier qui a joué avec Bruel, Julien Clerc. Ouais, rien à voir avec le blues. Mais encore que pour certains, ça donne le blues hein, quand voilà. même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a rejoint pour faire. Pour exprimer tout le blues qu'il a. Accumulé. Donc voilà. Bon, et tu as une autre expérience aussi, et ça je ne le savais pas, tu me l'as dit tout à l'heure, et pourtant on connaît l'acolyte avec lequel tu travailles aussi maintenant, c'est Mathieu Pesquet. C'est une rencontre avec un harmoniciste qui s'appelle Brendan Power. Et à l'époque, Brendan cherchait un guitariste pour faire une tournée. J'avais accueilli lors de la Badass, que j'organise tous les premiers lundis du mois à Paris. J'avais accueilli Mathieu et Rol Pignot. Et je me suis dit, tiens, le guitariste qui pourrait vraiment faire l'affaire, c'est Mathieu Pesquet. Donc je les ai mis ensemble, je les ai branchés, ils se sont contactés et ils sont venus en France faire les concerts. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et on a joué d'ailleurs ensemble sur les mêmes scènes avec Brendan, quoi. Ils m'ont invité. Et voilà. Et puis, puis de fil en aiguille, eux, ils ont continué leur projet. Et là, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés sur un projet de date que je ne peux pas faire d'ailleurs avec mon acolyte Nasser. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas avec Mathieu ? Et j'ai contacté Mathieu et Mathieu m'a dit, oui, à fond, allons-y, quoi, faisons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu Pesquet est un remarquable guitariste, compositeur incroyable, ouais, qui donne aussi une belle atmosphère dans ses disques et qui a représenté la France à l'International Blues Challenge, voilà, puisqu'il a gagné le challenge français. Harmoniciste qui donne quand même une belle impulsion dans le groupe de Atman Session, mais Nasser, il y a d'autres musiciens et il y a le choix d'un contrebassiste. Oui. C'est un choix parce qu'il ne savait pas jouer d'autre chose ou... Oula. Parce que c'est un instrument facile à transporter. Voilà, exactement. Mathieu, c'est ma plus vieille histoire d'amour dans la musique. Il y a très très longtemps, j'avais un groupe de blues swing avec des cuivres et tout. On était en 99 à Marseille et on faisait une audition pour un bassiste. Et arrivait ce jeune homme qui avait 19-20 ans, qui arrivait de Corse en études de médecine avec des capacités énormes. Et on a écumé donc tous les plus vieux bassistes de la région. Et en fait, finalement, ça a été lui. Et depuis, ça a toujours été lui. Alors, lui, il a fait une grande carrière. Bon, on va pas international et Wataclan et tout, dans plein de trucs. Il a tourné dans plein de pays. Beaucoup de choses, beaucoup de projets pour ce garçon-là. Okay. Beaucoup de musique variée et tout. Donc, tu vois, je me suis dit, tiens, je jouerai plus jamais avec ce gars-là, puisque, tu vois, lui, il est monté au cran au-dessus, tu vois. Et puis, à 4-5 ans, il m'appelle. Non, c'est moi qui lui envoie un truc. Je lui dis, Patié Salouté, bonne année. Et il me dit, ah, ça me fait trop plaisir, j'avais besoin juste de t'entendre. Et il débarque à la maison sous la neige. Et il vient me dit, tu sais, Nasser, ça me manque le blues, comme on faisait il y a 10 ans. Et donc, voilà, il a plein d'autres projets, mais par contre, il se rend disponible tout le temps pour moi, quoi, vraiment amicalement, avec tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut faire, quoi. Et puis voilà. Tu vas le faire chialer, hein. Ouais, voilà. Voilà. Et je ne vais toujours pas parler de son cachet, bien sûr. Et on peut rajouter aussi que c'est un grand sportif, parce qu'il nous a livré un petit secret lors du repas. Il y plonge. Il est en apnée, il fait des championnats en apnée. Il c'est a plus de 30 mètres, de, je crois. C'est ça. Tu vois, justement, ce groupe et cette équipe-là, on essaye de prendre le contre-pied sur les clichés du blues et tout. Donc moi, je bois énormément d'alcool. Et pas lui. Et lui, pas lui. Bah, donc, ça fait la moyenne. C'est ça, ça fait la moyenne, exactement. Pour juste garder le cliché. Est-ce que tu peux nous dire deux mots également de Florian, Alexis, comme ça on aura fait l'appel. Bah écoute, si t'es à Mâcon, Mâcon, c'est là, il y a une scène musicale à Mâcon, donc tu vois la ville que je connaissais pas moi aussi en étant du sud, juste au-dessus de nous, une scène florissante. Et un jour, je cherche un batteur, j'appelle un vieux bassiste, vieux de la vieille de blues, il me dit non mais moi je connais un jeune old school, vieille école. Et je dis quoi ? Et je vois arriver Monsieur Alexis Voisin. Et là, il arrive, il était tout timide. Je me suis dit, merde, c'est un surfeur, ou quoi, il était tout blanc et ses cheveux. Marc comme à Mâcon, le surf. Ouais, voilà, tu vois, à Mâcon, le surf. Tu vois, j'ai pas de logique. Et donc, il arrive et là, il me sort un putain de. Pardon, il n'y a pas des enfants qui écoutent l'émission. Un putain de sa mère de shuffle. Et je dis, waouh, this is. Je vais le faire en anglais. This is a fucking. Rhythm. Et il fait le truc. Et là. Et puis après ça, je me rappelle qu'on boit des bières et on mange une sorte de chili con carne infâme, ça en boîte casino et tout. Et le mec qui vient, qui se déplace pour jouer avec toi, qui te connaît pas, qui boit de la bière de supermarché et qui mange un chili con carne à 3,50 francs, tu le gardes et il joue énormément bien. Et ce type, c'est... Et Florian, très rapidement, Florian, c'est un peu son frère, en fait. Ils ont grandi ensemble, ils sont dans plein de projets, comme vous direz à Mâcon, les 30s, Céline Band, Big Love, beaucoup de projets funky, rock et tout, sont vraiment ce guitariste et ce batteur sont vraiment... Et là, le guitariste, c'est un choix, c'est Mike Obey, qui est canadien, qui était l'ingénieur du son du CD et de l'album, et il a rencontré Florian. Il me dit tu sais quoi, Nasser, je sais pas faire l'accent, mais ce guitariste, tu dois le prendre pour faire la seconde guitare. Donc j'ai écouté mon ami canadien et c'est pour ça que Florian est là. Vive le Canada, Florian. Tu parlais de cet album qui s'appelle Dog and Wolf. Tu vas nous expliquer pourquoi ce titre, mais apparemment on voit avec le visage un peu curieux qu'il y a sur la pochette qu'il y a c'est une bête immonde. C'est moi. C'est bien ce que je disais. Non. Alors pourquoi cette photo, pourquoi ce titre? Bah justement, tout à l'heure, j'ai parlé de Tom Waits. Avant ça, souvent, on me dit, ouais, tu as une grosse voix un peu la Tom Waits et tout, mais avant ça, c'est bien sûr Howlin' Wolf, le loup hurlant. Et bien sûr, moi, je suis un enfant d'Howlin' Wolf et j'ai malheureusement cette voix-là, parce que je préfère avoir une voix la Skip James vachement aiguë. Et donc, c'est ça. Et aussi, c'est mon projet. C'est entre Dog and Wolf, c'était pour traduire entre chien et loup. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment. C'est du blues, bien sûr. Hein, c'est mes racines et je le revendique. Mais d'aller chercher un petit peu d'autres influences, c'est ça. C'est pour rester un petit peu entre deux univers, mais qui restent le chien et le loup, c'est la même chose. Donc, si on va chercher à l'Afrique ou dans le jazz ou ailleurs, on reste quand même dans le canidé. Dog and Wolf, l'album sort le 18 avril. Oui. Très bel album. Donc, le 18 avril, et maintenant, on va vous retrouver sur la scène du Blues Café. Thank you. Merci beaucoup. En vous remerciant d'être venu. Dog and Wolf. Monsieur Alexis Desmond Voisin. baby. Carol, my baby home. Woman and I, Carol, bid you nice and sweet. Woman and I, Carol, treat you nice and fine. Carol, Carol, Carol Blue. Carol, Carol, Carol Blue. Atman Session était ce soir dans le Blues Café Live. Merci à vous, merci au public, merci également au Millennium de l'île d'Abo qui nous accueille pour ces soirées. On vous rappelle que vous pouvez venir tous les deux mois ici au Millennium pour assister à ces enregistrements live. www.bluesactu.com, c'est notre site, vous retrouvez toutes les dates. À bientôt, ciao ciao. Atman Session. Merci beaucoup, vous êtes super cool. Ok, la meilleure façon de vous dire au revoir et de répondre à la question tout à l'heure de Francis sur quelle place je donne à tout ça, elle est là. J'aimerais vraiment, vraiment vous remercier à tous dans, je sais pas, c'est assez improbable, entre Carrefour, le roi mes couilles et je ne sais pas quoi, de vous déplacer pour venir écouter du blues. Je veux remercier, mais c'est pas de la lèche comme font tous les groupes là. Dans le blues, c'est ça, c'est qu'on pense vrai ou on pense pas. Remercier la technique. Ils sont où là ? On peut les applaudir. Je crois qu'on va faire ce dernier morceau et après, peut-être qu'on va faire une petite surprise. Avec Jay tout à l'heure et peut-être Olivier s'il est toujours pas parti, j'espère. Ain't got no fresh arrival here. Shadow now left Hagra. A shadow now left Hagra. Shadow now left. A shadow now left Hagra. Я тимшил твули от кельмуя эмигри. А я тимшил твули от кельмуя эмигри. А я тимшил твули от кельмуя эмигри. Je parlais de lui tout à l'heure, mon plus vieil ami dans ce milieu. Lui, c'est un immigré, un vrai. Et comme je sais pas si tu t'en souviens, il arrivait de Corse à Marseille. Mon immigré à la contrebasse préférée. Let's go, Mathieu. Obligé de venir de Saône-et-Loire ou de Lain ou de Bourgogne-Joyeux ou quoi. On est tous enfants d'immigrés. Si tu veux faire les chœurs avec nous, il suffit de faire immigré avec l'accent. Tu arrives à faire immigré? Immigré. Ok. Rythmiquement, on regarde à l'africaine. J'ai eu pour les. À quel mot y a immigré? Aya temshi otwli otkel moya immigré. T'as beau aller venir, tu t'appelleras toujours. Aya temshi otwli otkel moya. Aya temshi otwli otkel moya. Say what we live, but can we have immigrant? I have to say what we live, but can we have immigrant? I have to say what we live, but can we have immigrant? d'assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr.